Semaine, il faut prendre ce qu'il y a, une catin mal habillée, collectionnant les MST, elle était en état de manque, et bah, ça faisait longtemps que j'avais pas, mais le méchant arrive. Dans ma vie, j'ai d'autres plans. Il y a toi, le méchant, de mes loisirs. Donc tu vois, par moments, lâche-moi la grappe. Sois sympa, prends sur toi, moi je suis gentil. Le lendemain se passait bien, il y avait une femme désespérée qui cherchait un homme sur qui compter. Elle me trouvait pas mal. Elle m'a même invité chez elle. Et ce putain de méchant arrive.